Nous aussi avec Lambert à la maison du tournant. Ça y est, c'est le grand départ. C'est le grand départ. On est à quelques jours de l'ouverture, donc on est sur les starting blocks. On peaufine les décors, on peaufine les créatures qui vont donc interagir dans les décors qu'on va proposer. Et donc on a vraiment hâte d'entendre les tout premiers cris. Donc voilà. Une préparation qui se fait en ce moment d'ailleurs sous un temps pas très très bon. En tout cas, ça nous plonge dans l'ambiance, c'est ça qui est bien, mais bon, voilà, effectivement, on espère que pour les premiers jours d'ouverture, on n'ait pas la pluie. Mais voilà, en tout cas, le cadre s'y prête parfaitement, on est vraiment en pleine nature, le bruit des arbres, le vent, etc. C'est sympa, nous, on est vraiment bien. Alors, l'ouverture, c'est pour quand exactement ? Alors, c'est vendredi, donc vendredi à 20h pour le top départ. Donc, à partir de 20h, justement, toutes les créatures, donc près de 80 créatures, vont envahir l'actuelle ferme aventure, donc pour transformer ce lieu en premier parc horreur de France. Alors déjà l'aventure, il faut y arriver, hein, parce que c'est assez spectaculaire, hein, il y a des travaux un petit peu partout, mais effectivement par rapport même à cet été, c'est vraiment bien balisé. Voilà, donc du coup, effectivement, c'est un chemin semé d'embûches, mais qui va plonger les gens justement dans l'ambiance dès leur arrivée ici au parc. Donc du coup, effectivement, il faut suivre le fléchage, donc ferme aventure pour arriver jusqu'à la maison du tourment. Et donc voilà quoi, après les gens seront prêts pour passer une bonne soirée ici. Alors, comment est venue cette idée de maison du tourment ? Alors l'idée de base, en fait, c'était de faire un film. On voulait faire un film amateur à la base, donc en 2011. Avec des amis. Et puis on s'est dit, ouais, le film, ça va être un petit budget, une petite distribution, il sera peut-être disponible que sur Internet et les gens seront passifs dans un canapé ou un siège d'ordinateur à regarder le film. Ce serait vraiment marrant si on inversait les rôles, en fait, si on plongeait les visiteurs dans des décors directement. Et un coup, on s'est arrêté sur une aire de repos d'autoroute et on a vu mis les warnings de la voiture. Une personne est allée mettre un déchet dans une poubelle et en revenant, en fait, avec les flashs des clignotants, ça dématérialisait le mouvement et on a trouvé ça vraiment chouette et on s'est dit waouh, c'est ça qu'il faut faire, c'est quelque chose avec une ambiance lumineuse, avec des décors vraiment comme dans des films. Et c'est parti pour la Maison du Tourment, donc qui a lieu la toute première édition en 2012 à Mirecourt. Et toi, comment en es-tu arrivé là avant? Eh bien, c'est un mélange de différentes disciplines que je connaissais déjà plus ou moins. Donc à la base, j'étais technicien lumière en cabaret. Donc je suis toujours artiste illusionniste. Donc du coup, l'univers du spectacle, les costumes, le maquillage, c'est quelque chose que je connais bien. Donc en gros, pour donner la Maison du Tourment, c'est un savant mélange, on va dire, de genres, avec mes passions aussi pour l'horreur, la construction de décors pour le spectacle vivant. Donc voilà, en fait, c'est tout mis bout à bout qui font que la Maison du Tourment a pu ouvrir. Alors, que va-t-on vraiment découvrir dans cette maison du tourment ? Alors, différents thèmes, différents univers. J'adore l'univers des Indiana Jones. Ça m'a vraiment inspiré pour l'une des attractions phares qui s'appelle Ruin of Chapaya, où les gens vont plonger dans un temple maya. On va rentrer également dans un cabaret désaffecté où les gens vont se faire... vont être invités à un entretien d'embauche pour apporter un petit peu de sang neuf à l'établissement. Il y aura toute une attraction sur les rites, la possession, etc. Une autre attraction dans la forêt, où là, les gens vont devoir passer dans un tunnel de décontamination, secourir des personnes qui ont été irradiées. Et la toute dernière attraction, c'est Redwood Forest, où là, justement, ils vont aller à la rencontre de cow-boys et desperados transformés légèrement en zombies aveugles qui réagissent exclusivement au bruit. Voilà. Et c'est un spectacle qui dure combien de temps ? Alors, on est ouvert sur 9 soirées. Donc, c'est 3 ans de travail pour 9 soirées. Mais bon, on espère justement pérenniser la Maison du Tourment donc, d'année en année. Le site s'y prête à merveille. Le site fait à peu près 8 hectares. On utilise entre 4 et 5 hectares cette année. Mais ça nous laisse justement la possibilité d'évoluer encore dès l'année prochaine.